ondes, ils nous font bondir. Les convives racontent des contes, ils ne se croient pontifs pour débondir. Une bonne gifle, ça monte les conditions. Les ondes, ils nous font bondir. Les convives racontent des contes, ils ne se croient pontifs pour débondir. Une bonne gifle, ça monte les conditions. Avoue que ça t'excite dans ta tête, rien doit être paisible. Des désirs d'imbécile, indécis qui fout la merde par plaisir. Agressif, ouais, t'es fêlé sur tes boutons. Inoffensif dans la vie, t'es bon qu'à pêler comme un mouton. T'es mal barré, planqué derrière ton écran, tu crois fort. T'es carré devant ta mère, mais du carré, tu n'as que la forme. Tout est égal, je coupe les débats quand ton couplet débarque. Y'a des coupes que t'aimes pas, t'aimes faire couper les bagues, on devrait te couper les doigts. Vite ta tête, vois où la tisse t'amène, donc tu maîtrises ta peine. Petite tapette, il faut que t'attises la haine, marque la vie t'atteigne. Donc t'aimes casser du sucre, comme un fracassé du sud, anonyme. Donc quand t'es devant là, t'es blasé, tu suces. Déteste-moi et je peux ralter, petit peu frais, je connais tes peurs alternes. Respecte-toi, on fera de même, tu peux l'admettre. T'es bon qu'à filer vite, je viens qu'en tes défis. Tu défais les vies parce que la tienne est vide. Les ondes y parlent, propage des ondes y femmes. Les ondes dit pas que les noms dit pleurs. Recharge une cartouche pour les bons tireurs. Les ondes dit pas, propage des ondes dit femmes. Les ondes dit pas que les noms dit pleurs. Recharge une cartouche pour les bons tireurs. La jalousie t'en est l'otage. Ouais, y'a des choses qu'on démode pas. S'il faut un autre âge, ça te fait bander de pirater des mots de passe. T'as pas d'identité, on sait même pas quitter. Tu fais pitié, il faut t'aille piquer pour voir ton cœur palpiter. Écris de la vie dans le fond, t'es seul. Tu passes pas la porte, tu manges le seuil. Ma gueule, nique ta mère, on sait que t'as le seum. Petit bouquin, j'aimerais te parler, mais rien n'est bon que tu saches. Écris des bouquins, t'as déjà l'habitude des noms d'usage. En vrai, tu me fais de la peine, je sais que t'as peur de perdre. Un cœur de pierre de plus, la corde au cou à cœur de merde. Tes seuls amis, c'est les potos de ta. Si t'as vraiment plus d'os, t'es pas rub, j't'enverrai quelques photos de ma teule. T'as pas de femme, t'as pas de fille, t'as pas de place, t'as pas de ville. T'as pas de face, t'as pas de vie. T'as pas de femme, t'as pas de fille, t'as pas de place, t'as pas de ville. T'as pas de face, t'as pas de vie. Les ondes, ils nous font bondir, les convives racontent des contes, ils ne se croient pontifs pour débondir. Une bonne gifle, ça monte les conditions. Les ondes, ils nous font bondir, les convives racontent des contes, ils ne se croient pontifs pour débondir. Une bonne gifle, ça monte les conditions. Les ondes, ils parlent, propagent des ondes, femmes. Les ondes, dit pas que les noms, dit pleurs. Recharge une cartouche pour les bons tireurs. Les ondes, dit pas. Propage des ondes, dit femmes. Les ondes, dit pas que les noms, dit pleurs. Recharge une cartouche pour les bons tireurs. Les ondes, ils nous font bondir. Les convives racontent des contes. Ils ne se croient pontifs pour débondir. Une bonne gifle, ça monte les conditions. Les ondes, ils nous font bondir. Les convives racontent des contes. Ils ne se croient pontifs pour débondir. Une bonne gifle, ça monte les conditions. Les ondes, ils nous font bondir. Les convives racontent des contes. Ils ne se croient pontifs pour débondir. Une bonne gifle, ça monte les conditions. Les ondes, ils nous font bondir. Les convives racontent des contes. Ils ne se croient pontifs pour débondir. Une bonne gifle, ça monte les conditions.